voici votre bulletin régional. Le 29 décembre, à 19h, à la grande salle de l'hôtel de ville de Scotstown, on présente « Le drôle Noël de Scrooge », version française du film « A Christmas Carol », entrée libre. Le party de Noël de la Maison des Jeunes de Saint-Isidore de Clifton a lieu le 29 décembre. Pour information, contactez Sébastien Drapeau.